Petit Noël. L'enfant avait 5 ans lorsqu'il s'est envolé. Mais la main qui frappa semble avoir consolé, et modérant l'accent d'une douleur amère, séchait les yeux rougis du père et de la mère. Cependant, tous les ans, les cloches de Noël réveillent dans leur cœur un chagrin éternel. Dans un muet accord, cette nuit les rassemble, et d'un pas vacillant et d'une main qui tremble, écartant avec soin les cendres du foyer, ils ont dans l'âtre éteint mis un petit soulier. Ils revoient alors un tout petit pied rose qui lentement descend et doucement se pose sur la frêle et mignonne épave en vernis bleu. Et le cadre doré des boucles de cheveux dessine les contours d'un souriant visage. Jusqu'au lever du jour, ils évoquent l'image, puis vont se prosternant au pied du saint autel, attendre le retour de leur petit Noël. L'auteur n'a laissé que ses initiales, A.P.